combien de soldats qui soient de plomb, de bois sont morts entre mes doigts. Je n'étais qu'un enfant. Je me souviens, j'ai pleuré bien souvent en regardant mes mains. Entre mes mains, moi je n'y peux rien, tout se brise. J'ai connu bien des filles et j'ai connu la fille. J'ai souvent fait l'amour et j'ai connu l'amour. Tout paraissait facile. Je l'aimais, elle m'aimait, mais l'amour c'est fragile, plus fragile qu'un jouet. Entre mes mains, moi je n'y peux rien, tout se brise.